Vous qui passez. Il y aura un épigraphe sur la brochure, ce vers d'Hugo. Vous qui passez dans l'ombre, êtes-vous des amants? Personnages. Ils sont trois. Deux hommes et une femme. Les hommes ont 30 ans, un peu plus. Sur leur smoking, l'un bleu, l'autre bordeaux foncé, la cape losangée qu'ils dépouilleront vite aura fait un moment penser à deux arlequins de Watteau, un moment bref. On aura très vite reconnu sous ce mince déguisement des personnages d'aujourd'hui. Ils ont même allure, même air. On les différencierait mal si les losanges de leur cape, dont on semble avoir emprunté les harmonies sombres à braque, n'étaient légèrement différentes. Chez l'un, le bleu domine et chez l'autre, le vert. L'auteur veut signifier par là que tous les hommes sont pareils à très peu près. Ils seront tout aussi ressemblants en smoking. Leur nom dans le particulier, Philippe André. La femme a 30 ans, un peu moins. Colombine revue par Balmain, je suppose. Elle n'a pas de nom, elle nous tait son nom, mais nous allons pour nous l'affiche, le livret lui en prêter un. Claude, Armande, Laure, Christine, Irène. Il faut un nom charmant, pas trop usé, qui chante, un nom tendre, un nom clair, un nom français. Français? Pourquoi pas étranger? J'en connais d'étrangers. Edwige, Eta, Pia, Grete, Ilka, mes voyages. Ilka, vous n'aimez pas? Elle était belle, Ilka. Vous préférez rester chez nous, je vous comprends. Honnêteté des écrivains de ma façon, n'être que de chez eux, que de leur temps. D'accord. Françoise, alors, peut-être. Un nom français, Françoise. Un peu trop, vous trouvez, trop clair. Je trouve aussi. Il nous faudrait un nom d'héroïne, un peu trouble. Eva, qui donc es-tu? Sais-tu bien ta nature? Eva, vous aimeriez? Ce lourd, Eva, songez, toute la femme, Eva. Ça ne vous fait pas peur, imprudent que je suis, que j'étais réveillé? Vous exigez, Eva? Nous dirons donc, Eva. L'action de nos jours, en France, il va de soi. Les trois coups. Musique assourdie, comme d'un orchestre lointain, Ravel. Sa rhapsodie espagnole. Et le rideau. Un coin de parc. Nuit d'été claire, transparente. Un somptueux souper préparé, deux couverts. Des draperies pendues aux branches isolent une façon d'alcôve qu'elles fermeront en retombant. Pour l'instant, toute lampe éteinte, on n'en distingue pas grand-chose. C'est évidemment du château dont on perçoit entre les arbres les lumières que nous arrive la musique. Elle se dissipera dans l'air et cessera rapidement d'être entendue, comme couverte par les voix des personnages qui sont en scène. On ne les réentendra plus qu'au moment, nous sommes au théâtre, où l'auteur y aura de nouveau fait appel. Philippe est seul, assis devant la table du souper. Il dit « Morne fête, éprouvante nuit. Ce Redrer 47 est imbuvable. » Il a dans le couvert pris un miroir à main, il s'y mire. Et toi, que crois-tu donc que tu sois, pauvre ami? Tu te crois fin sous cet habit de mascarade intéressant, tu es grotesque. Il prête un bruit de pas, il se masque. Viens t'asseoir un moment près de moi, toi qui passes, je m'ennuie tant. André s'avance doucement, comme un homme qui ne sait très bien ni où il est ni où il va. Il a le visage découvert, mais devinant une présence, il remet lui aussi rapidement son masque. Et il dit... « Excusez-moi. » Et Philippe allègrement vers lui dit « Excusez-moi. Le tutoiement ce soir n'est-il pas de rigueur ?»« Comme l'intonito, c'est juste. Excuse-moi. » Le clair de lune attend d'éclat que l'on prend pour des vers luisants les feux avertisseurs piqués dans les sous-bois pour détourner les pas des promeneurs distraits. « Je n'ai pas vu tes feux. » Philippe, mes feux étaient éteints. Il allume étincellement les argenteries des verreries de tout le couvert. André, le ravissant souper. Philippe, n'as-tu pas le pareil ?» « Si, le même à peu près à quelques pas d'ici. » Notre hôte estimant que le style et l'élégance absolvent toutes les audaces, a cette nuit donné licence à la chair d'être tendre, au cœur de déborder, et ménager un peu partout dans son beau parc, à l'écart des rumeurs et de l'éclat du bal, de l'ombre aux amoureux et des lys aux amants. Philippe, hardi magicien que notre hôte, il est vrai. Je me présente, Arlequin vert, Arlequin bleu. Très honoré, très honoré. Jolie aussi l'idée d'ailleurs complémentaire d'avoir pour plus d'aisance et plus de liberté garanti les incognitos, assuré les anonymats et réveillé le vieil usage italien du travestissement qui dépersonnalise et du masque qui simplifie. André, on se sent en effet tout autre sous un masque, n'est-ce pas? allégé, libéré, rajeuni, débarrassé comme un plongeur de son terrestre poids d'amertume et d'ennui. Mais je bavarde et te retiens. Pardonne-moi, tu dois être attendu. Du tout, je m'en allais. Tu quittais la fête? Oui. Si tôt? Préoccupé, les affaires, tu sais, en ce moment, je le sais. Je comptais regagner mon parking par le bois, il doit être par là. Je suis un peu perdu. Philippe, on m'a remis un plan, il se fouille. Qu'est-ce que je fais de ce plan? André, même je. Je ne sais pas non plus ce que j'ai fait du mien. Philippe, veux-tu que nous allions ensemble à la recherche des parkings? Alors, tu ne vas pas pour moi t'écarter de ce nid où tu attends, ne trompe-toi. Tu n'attends pas? Non. Fallait moi aussi m'en aller. Toi aussi? Soucieux, toi aussi? Je préfère rentrer. Absurde époque. Intéressante. Hein? Un paradoxe, cette fête, en ce moment, Philippe, non pas. Diversion, détente, évasion. Ce vieux monde en danger a voulu qu'une fois, une suprême fois peut-être, à quelques délégués choisis, fût offert un moment de détente et d'oubli, pourquoi pas. Moi qui ai le monde et ses plaisirs, je me suis affublé du masque et de la cape avec, te l'avouerai-je, une joie enfantine et me suis élancé vers la féerie promise, ivre de je ne sais quel espoir. Toi aussi. Je me suis cru comblé d'abord au-delà même de mes rêves. On était saisi de vertige en pénétrant dans les jardins. Aux rampes des perrons, sur les grands escaliers, sur les terrasses, dans les cours. Je ne sais pas comment Charlie a fait son compte cette année. Rien que des femmes fleurs, des grappes, des bouquets de femmes fleurs. Jolies. En vrai, un conte oriental, en effet. Tu as vu? Mais je suis, il faut croire, un être singulier à qui rien ne suffit, que rien ne satisfait. Entré dans la ronde éblouie, j'en suis ressorti triste à mourir. Toi aussi, des masques, rien dessous, cervelle de poupée. Je me suis enfui, tu as vu, j'étais là, seul sur ce banc, rongeant mon frein, assez penaud devant ce souper ridicule. André et moi, je fuyais, tu as vu, tout seul aussi, pas gai non plus, sous cet humiliant, irritant clair de lune. Philippe, où est la vie? Pas dans le monde, assurément. Rien de désert comme une foule, de vide comme un salon plein. Philippe, j'ai 30 ans, moi aussi. J'en ai même un peu plus. Moi aussi, toi aussi. Nous pourrions nous asseoir. Ils le font. À vrai dire, il y en avait une. Il y en avait une. Empêche-moi plutôt de parler cette histoire. Un verre, avec plaisir. Cognac, whisky, champagne. Il va te décevoir, ce champagne, je crains. Et pourquoi donc? Il le goûte. Il est parfait, Philippe qui boit à son tour. Parfait, c'est vrai, c'est singulier. Je l'avais goûté tout à l'heure et trouvé plat, sans goût, sans corps et sans bouquet. André, je trouvais cette fête avant notre rencontre insipide et morne à pleurer. Philippe, toi aussi. Un peu plus? André, il y en avait une? Oh, tu veux? Oui, tu veux. À moins qu'être indiscret. Sois indiscret. Ne vois-tu pas que je brûle d'envie de te conter la chose et de te révéler quel ingénu je suis? Arlequin, croyais-tu, tu te trompais? Pierrot, toi, tu vas voir. C'était un peu avant minuit. L'orchestre venait de jouer les sarabandes d'Albenitz. Un autre orchestre, très lointain, très assourdi, à peine si on l'entendait, s'était mis aussitôt à jouer dans le parc, et pour que ne retombât pas l'animation des danseurs, et pour qu'un trop complet silence ne redonnât pas brusquement toute l'importance aux étoiles, et ne nous troublât pas d'un vertige de Dieu, tendait un fin voile de son, un humain garde-fou de son, entre nous et la nuit trop haut. André, j'étais là, j'écoutais comme toi ce murmure, et lui avait donné le même sens que toi, Philippe, elle apparut. Centre éclatant d'un petit groupe des tourneaux. André, blonde, brune, gantée, masquée, gainée de blanc, de ce blanc mat et chaud, des camélias blancs, une tête bouclée de petits pâtres grecs, un corps insexué d'Artémis Amazone, de Diane chasseresse, à la fois si noble et si pure, qu'il me fallut pour l'approcher vaincre une atroce modestie. La nuit autour de nous était tiède, inviteuse. Un prétentieux sot l'y voulait entraîner. Elle s'en est allée avec ce sot. André, la sotte. Il fallait aussitôt t'attacher à quelque autre. On peut également se prendre à ce qu'on n'avait pas choisi. Oh. Ou qu'on sait, tu sais bien qu'il n'en est jamais qu'une. André, jamais qu'une, en effet. Tu dis bien, jamais qu'une. Pour moi aussi, ce soir, il n'y en avait qu'une. Raconte. Oh, tu veux? Oui, je t'écoute à mon tour. Blonde. De la lumière et la musique même. Elle dansait, et il semblait qu'il n'y eût qu'elle qui dansât, si légère, si juste. Il dit, as-tu pu, toi, du moins? Oui, je suis la toucher. Elle s'est généreuse appuyée à mon bras. Mais comme nous nous enfoncions dans plus de silence et de nuit, vers le recoin secret semblable à celui-ci qui m'est comme à toi réservé, je ne sais quoi, dans sa personne de trop proche et dans son rire de trop clair, m'a comme dégrisé le cœur. Qu'est-ce qu'un corps dont on n'est plus ivre ? Incurvant insensiblement la direction de nos pas, je l'ai par ce détour amené vers le bal et sournoisement égaré dans une rentrée de danseurs. Mon histoire, tu vois, ressemble à ton histoire. Il n'y a qu'une histoire, oui. La même toujours. Un prolongant chanteur, un dénouement raté. Leur beauté doit pourtant avoir un sens de piège. C'est vers la beauté qu'on s'élance et ce n'est qu'une femme à la fin qu'on atteint. Philippe, laissons-les là, filons, tiens. Sur cette défaite, une leçon de plus, cette défaite, ami. Tu n'aimerais pas, quoi ? Tu vas te moquer. Non, dis ! Allez, refaire un tour. Tu me trouves enfantin, là-bas ? Oui. J'y pensais et n'osais te le dire. Oui, très vite, en courant, traverser les salons, parcourir les jardins, explorer les bosquets et peut-être, qui sait, plus racisé, plus fort, en ramener chacun de quoi, femme ou déesse, honorer nos soupers. Et nos lits, pourquoi pas ? On y court, on y vole. Un coup de peigne, attends. J'aurai trois gouttes sur mes doigts de cette eau de Balmain. Après toi, s'il te plaît. Et passant le flacon. Voilà. Ready, play, go. Et comme ils vont s'élancer, André retenant Philippe dit, prenons garde de moi, c'est pareil tous les deux, de ne pas jeter tous les deux notre dévolu sur la même. Pourquoi ? J'adorerais voir notre ressemblance une fois de plus affirmée. Je m'éclipserais aussitôt. Et je te céderai la place. Moi, pas. Ce serait moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Permets que ce soit moi. Je veux te voir content. Je serais beaucoup plus content de te savoir un peu content que d'être très content moi-même. Et si ? J'ai une idée. J'ai une idée aussi. Voyons. Non, toi d'abord. Cette table, tu vois ? C'est vin. Tu vois ? Je vois. Qu'en penses-tu ? Du bien ? Tu n'aimerais pas quoi ? Non, naturellement. Quoi donc dit ? Restez là, soupez là. Sans femme ? Oui, tous les deux, simplement, tous les deux. Sublime, mon ami, ton idée. Tu veux bien ? Courir encore après des ombres, nous leurrer, croire un moment, et puis regretter d'avoir cru. Sottise, n'est-ce pas ? Tu trouves aussi folie que comprise une femme à cette délicatesse. Elle aurait réclamé de la salade, affreux ! Mais tu avais une autre idée, c'était la même. Assez, tu me ravis, c'est toi qui me ravis. Mon Dieu, que tu es jeune et charmant, et toi donc. On attaque, on débouche, une seconde, attends. Souperons-nous masqués, ah, c'est la règle du jeu. Charlie, soucieux, tu sais bien, de soustraire sa fête à des demain risqués, a voulu que le jour, quand il se lèvera, n'éclaire les adieux que d'invités abstraits, sans visage, sans nom. André, à qui soit de la sorte, interdit tout revoir. Ne le serions-nous donc trouvés que pour nous perdre ? Impossible, il est vrai. C'est ton avis, parbleu. Une chance pour moi, sans nom, cette rencontre. Et pour moi, non. Alors, que fait-on ? Ce qu'on fait, oui, dis. Ma foi, tant pis pour la règle du jeu. On se parjure, on triche, on se désarlequine. On se nomme, on se nomme. On se démasque, ok. Ils se sont brusquement démasqués tous les deux. Et André, stupéfait, reculant d'un pas, dit. Philippe ? Et l'autre. André ? Toi ? Toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est un peu fort. Et toi ? Je suis éberlué. Tu m'avais reconnu ? Pas un instant. Et toi ? Ce masque et cet habit, nous changent-ils au point ? Ils te flattent beaucoup, cet habit. Moins que toi. Comment nos voix, du moins, ne nous ont-elles pas ? Philippe, ce sont là masques très savants qui déguisent aussi les voix. André, américain, bien entendu. Cette plaque au palais de plastique, il la crache. André, efficace. Il crache aussi la sienne. Efficace, en effet. L'aventure est piquante. Elle ne paraît pas t'enchanter, cependant. C'est toi qui as un air tout déconfit. Moi, oui. Tu te trompes, je suis ravi. Quels amis ont jamais subi pareille épreuve avec un plus complet succès ? Fallait-il pas que nous fussions des amis nés, prédestinés pour sans nous être reconnus, nous être cependant d'instinct, tombés tous les deux dans les bras ? Nous raconterons cette histoire, elle en vaut la peine. En effet. Philippe, pourquoi ne m'avais-tu pas dit que tu étais de cette fête ? Un secret absolu nous était demandé. Le secret entre nous. En un pareil moment, je te croyais rester là-bas, veillant ton grain. J'ai tout organisé, prévu, suis-je un enfant ? Il y a un téléscripteur installé dans mon pavillon et j'ai un fil direct. Où ça ? Dans ta poche ? Je rentrerai, je t'ai dit. C'est moi qui vais rentrer. Il remet son masque. Je te suis. Inutile. Amuse-toi. Bonsoir. On réveille au Dieu le caractère. Et à ce moment, comme il se tourne le dos et s'éloigne en sens inverse, une voix s'élève dans la nuit, un murmure accompagnant le chant de l'orchestre lointain qui les immobilise. Écoute, tu entends ? Une femme? Oui, tais-toi. Il éteint. Tu éteins? Pour mieux voir. Les deux hommes écoutent la nuit à travers les branches basses. Elle est seule. Philippe, on dirait. La silhouette est ravissante sous la lune. Philippe, elle vous fait le tour du corps avec sa voix. André, je la cueille en passant. Il va s'élancer. Philippe, leur tenant, je t'interdis. L'autre, plaît-il? Disparais-toi. Pardon? Je suis ici chez moi. Tu partais, je partais, mais ne pars plus, va-t'en. Philippe, cette femme, écoute-moi, sois chic. Laisse-la-moi, tu ris. Laisse-la-moi, va-t'en. J'en ai farouchement, terriblement envie, moi aussi je regrette. Écoute-moi, j'ai cette nuit le cœur à vif et cette voile. La chance de ma vie, il me semble, Philippe, ou la mienne. Assez, nos bruits de voix vont la faire envoler. Le menaçant, tu as compris? Brusque en poignade, ils se battent. André, nous n'allons pas nous colter. Vive lutte, et Philippe à voix basse. C'est elle, c'est Satan. T'en diras-tu? André rompant le combat dit, salaud, nous retrouverons. Je te hais. Ils s'éloignent rapidement, le chant a cessé, on n'entend plus qu'à peine perceptible l'orchestre. Et entre Eva, masquée. On se bat par ici? Qui se bat? Philippe, deux amis. Ça se bat bien, tu sais, les amis. C'est méchant. Il rallume. On entend à peine la musique. Et Eva dit, je m'égare, je crois. Du tout, je t'attendais. Tu m'attendais, tu vois. Ce souper t'attendait. Je n'ai pas faim, pas faim. Comment n'as-tu pas faim? Tu ne veux pas souper? Merci, non, je regrette. On ne peut rien t'offrir. Un coquillage, un fruit, une pêche, un sorbet, un baiser. Tu vas vite à séduire aussi. Ta gorge tendre, tes yeux frais, j'aime. Tes souples reins, j'aime. Ton pas léger, c'est fatigant, ces hommes qui aiment. Si tu n'as pas envie qu'on t'aime, pourquoi es-tu si finement, si délicatement paré? J'ai besoin d'être désirable et non pas d'être désiré. Coquette, il se pourrait. Méchante, oui, quelquefois, tout est amour ici, ce soir, dit convoitise, convoitise, un beau mot, l'amour à l'état pur, le vrai, qui ne ment pas, qui ne peut pas mentir. Demain, nous aurons retrouvé les hypocrisies, le mensonge et le théâtre de la vie, mais aujourd'hui, tout est franc, libre, heureux, léger. Donne-moi ce baiser, non, permets, non, si, non, je te l'ai demandé maintenant, je le veux, il me le faut. Tant pis, tu n'avais qu'à taire, on peut passer par là? Où irais-tu par là? Il n'y a rien par là que silence et que nuit. La fête est par ici, tu lui tournes le dos. Je sais. Que cherches-tu dans cette nuit? Moi-même. On pourrait t'y aider. Inutile. Merci. Et lui? Nous ne nous trouverons qu'à nous deux, tu sais bien. Il se regarde. Reste. Il fait bleu, la nuit est tendre. Tu es belle. Et c'est peut-être moi l'homme. Il n'y a pas d'homme. Il est vrai qu'ils sont tous odieux, tristes, laids, affreux, vaniteux, égoïstes, jaloux. Je n'ai pas un ami, c'est te dire, mais moi, je suis quelqu'un, si tu savais, moi, de si bien. Tu crois? Je ne dis pas que je sois sans défaut, mais mes défauts sont sympathiques et même un peu attendrissants. Je ne dis pas non plus qu'il n'y ait pas des gens mieux doués, plus brillants que moi. Mais quel qu'il soit, honnêtement, c'est toujours moi que je préfère, toujours moi le plus attachant. C'est vrai? Ce sera vrai si tu le crois aussi. Je ne suis pas si sûr de moi que j'en ai l'air. Comment me trouves-tu, moi, franchement, dis-moi. Bien. Tout va bien, je savais bien. Tu es très fine, tout va bien. Donne-moi ce baiser. Tu vas recommencer le passage, s'il te plaît. Tu me veux malheureux? Je rentrais malheureux, beaucoup d'hommes, tu sais. J'espère bien. Horrible, gens qui osent lever les yeux sur toi, prétendre à toi. Mets-moi, mets-moi. Ce n'est pas mal, puisque c'est moi. Tu n'as pas peur, puisque c'est moi, si. Justement. Je viens déjà d'être trop franche, laisse-moi. Je suis si triste, au fond, si tu savais, si lasse. Tu étais toujours partout si pauvre, si manqué. Je me suis dérobé non sans peine aux galants qui, plus assurés sous leur masque, témoignaient d'une lourdeur plus manifeste. Et j'allais m'enfonçant, seul, dans cette nuit, en quête de silence et de paix quand vos voix. Vas-tu, toi, m'obliger à me défendre aussi? Je veux bien m'arrêter un moment, si tu veux, et causer un moment avec toi, si tu veux, mais... Calmement alors, et de bonne amitié, c'est toujours l'amitié qui manque, tu sais bien. Tu souhaitais souper. Tu veux souper? J'ai faim. Tu as faim, bonne fille. stressant, la jolie table. Où me mets-tu? Tu me mets là, je me mets là. Ce manteau, tu permets? Merci, non, je le garde. Il fait si doux, je sais, mais pour rester assise. Et ce masque, tu vas le garder, lui aussi? Si je vais le garder, je pense bien, mon masque. Il fait partie de moi, mon masque, il tient à moi. Le masque, le manteau, la robe, le décor, la femme, le moment, tout se tient, tu sais bien. C'est toujours l'amitié qui manque, disais-tu. Eh bien, je voudrais tant devenir ton ami. Tâche, fais ce qu'il faut pour ça. L'ami d'un masque. Il te déplaît, mon masque? Il n'est pas bien, mon masque? On m'en a fait pourtant beaucoup de compliments. C'est Pardini, le visagiste, tu connais, qu'il a découpé, peint et modelé sur moi. Ainsi donc, entre nous, cet obstacle, ce mur, Pardini. Pardini n'est pas imperméable. Il a des yeux pour qui les murs sont transparents. C'est un défi. Mettons que ce soit un défi, le banal, éternel, inusable défi. Je peux poser des questions. Pose toujours. Je ne te situe pas. D'où es-tu? Ton pays? Que crois-tu? Je ne sais. J'hésite, je ne sais. Être belle, c'est être à la fois de partout. Tout le monde est un peu de partout aujourd'hui. Ta famille, ton nom, le son, l'homme, ma famille. Et personne ce soir n'a de nom, tu sais bien. À l'oreille, tout bas, quel intérêt, mon nom. Les femmes ne sont pas comme vous dans leur nom, à peine un peu dans leur prénom, leur petit nom. Ton petit nom. Quel petit nom crois-tu, toi, qui m'irais? Le tien? Je n'aime pas le mien. Je déteste le mien. Trouve-moi un nouveau. Pourquoi te moques-tu? Je ne me moque pas. Tu ne réponds à rien. De questions, écoute. Instruis-moi donc toi-même. Explique, parle, dis. Je voudrais ton savoir. Savoir quoi? Que crois-tu qu'il y ait à savoir? Ce que tu es? Invente-moi. Comment veux-tu sans toi? Collabore, aide-moi, dis-moi tes goûts, ta vie, les décors de ta vie, quel enfant tu étais, quels écrivains tu aimes. C'est ça qui t'intéresse? Oui. Mes goûts littéraires? Oui. Ça ne te suffit pas pour toi que je sois là? Veux-je être vraiment là qu'être là sous un masque? Encore? Oh, si. Non. Un instant, non. Pourquoi? Je suis laide. Ah, voilà. J'ai de tout petits yeux. Pas possible. Un front bas. La chance de ma nuit, ce masque, je t'ai dit. Pardini m'a permis d'être ce soir pour moi ce que pour vous sont les passantes à distance. Une femme sans nom, furtive, dérobée, et de me regarder passer au fond des glaces, enfin parfaitement satisfaite de moi. Tu ne l'es pas toujours. Qui peut l'être jamais? Inquiète de toi, toi, naturellement. Tes amis ne t'ont pas rassuré? Quels amis? Triste? Ai-je l'air de l'être? Heureuse? Indiscret? Du parfaitement heureuse, en doutes-tu? Et repoussant le plaqué, lui étant, merci. Lui, pourquoi tout à l'heure as-tu dit je suis si triste au fond? Elle, j'ai dit ça, moi, tu crois? Tu sais, on dit ainsi des choses quelquefois. Tu m'avais agacé aussi avec ta cour. Cette cour cavalière à bout portant, pardon. Mais triste, moi, jamais gai, très gai, au contraire. C'est très mal élevé d'être triste d'abord. Tu es gai, toi, j'espère. Oui, très gai. C'est vrai? Non, tu n'es pas gai. Pas très. Mal élevé, tu vois. C'est facile, pourtant, pour vous autres, la vie. Pourquoi n'es-tu pas gai? Cet éternel combat, elle met la victoire. C'est la victoire qui est triste, justement. Je te déçois? Non, pauvre. C'est un peu bête, la gaieté. J'aime les hommes gais en apparence et qui sont graves dans le fond. Pas de champagne, non, le champagne se gaze. Oui, ce vin, si tu veux. Tout de même, dis-moi, ça vaut la peine un peu pour toi? Raconte-moi, comment sont tes matins? Comment tes crépuscules? Ça va pour toi, les crépuscules? Oui, ça peut aller. Mais pas pour toi. Ne me fais pas parler de moi, penser à moi. Ce que je suis vraiment ne m'intéresse pas, c'est ce que je parais qui m'amuse. Assieds-toi, ne pense plus, sois gai, tâchons d'être un peu gai. Tu n'es pas bien ici? Cette nuit est divine. Et ce souper, notre souper, tu n'as rien pris. Mais tu n'as rien pris non plus. Qu'attendons-nous? Soupons. On commence par quoi? Que nous proposes-tu? Ces olives farcies, ce confit de perdreau? Ils sont les arbres de montagne, ce perdreau. Mais cette croûte au mori, elle sent la forêt. Attends que je goûte. Oh, c'est bon. Oh, dire qu'il y a des gens qui méprisent la cuisine. Essayons la forêt, oui, si tu veux, serre-moi. Et parle-moi, dis-moi des choses, distrais-moi. Un homme, ça doit en avoir des histoires à raconter. Mets-moi dans du brillant, dans du plus grand que moi. Mais je ne saurais. J'ai devant toi pris un ton faux qui me trahit, n'est pas le mien, me déconcerte, paralyse, et dont je ne sais plus comment me départir. Je suis sans mots, tu m'es trop proche et trop lointaine. Il y a trop d'écrans, de voiles entre nous. Crevons-les, ces écrans, déchirons-les, ces voiles. On ne se parle pas à distance pareille. Où es-tu? Tu permets que je touche ta main, les jolies mains. Comme tu as de jolies mains. Tiens, tu as mis du temps à t'en apercevoir. Tout ce que j'ai de bien, mes épaules, mes mains. Lui, tes épaules, dis-tu? Elle laisse glisser de ses épaules son manteau. Merci. Je suis gentil. Lui tendant les mains vers le masque. À présent. À présent? Oui, ce masque à présent. Avance, approche, arrive. Ôte, déchire, arrache. Oh, tu veux? Mon secret, tu veux? Oui. Simplement. Oui. Tu es une oui. Non, pas ça, non, pas ça. Ne demande pas ça, je me livrerai trop, me découvrirai trop. Tu n'aimerais pas ça, peut-être. Un jour, on ne sait pas. Plus tard, est-ce qu'on sait? C'est moi peut-être qui viendrai, qui m'offrirai, on ne sait pas. Tu seras content, oui? Tu fâché? Fâché? Non, je t'aime te défendant, davantage te défendant. Ah, tu es chic, on parle bien, hein, tous les deux. Et elle arrache brusquement son masque. Tiens, pour ta peine. Et elle entr'ouvre sa guimpe. Et tiens, lui, splendeur. Oui, je suis belle. C'est joli, ça. Ce ne serait pas mieux comme ça. Mon écharpe, mes bras, tu aimes? Et ça, tu aimes? Tu es content? Parle où je m'ennuie. Oui, prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Tu es bien sûr que c'était toi que je cherchais. Empêche-moi de trop penser. Embrasse-moi. Lui, tu n'as pas peur de moi. Non, de ce que je veux ce que tu veux. Ne sois pas si timide. Emmenez-moi, monsieur. Je voudrais me quitter. Une petite sœur, elle chérie. Elle se livre à lui et dit, tu m'absoudras de moi.